Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Gott nytår. C'est quoi sa joyeuse Pâques? Bonne année Alessandra. Feliz año nuevo Lynn. Alors pour ce 27e épisode de Crépidule et premier épisode de l'année 2018, nous sommes dans un lavomat aux eaux vives pour continuer ces enregistrements dans l'espace public et aussi une manière de s'approprier féministement l'espace public. Non, puis comme ça, tu peux joindre l'utile à l'agréable puisque tu fais quelques lessives au passage. Oui, c'est génial. Puis ça nous prend... En fait, une lessive prend 50 minutes, donc c'est parfait pour le timing podcast. Et puis moi, j'aime bien venir aussi au lavomat. Donc, j'ai pas mal déménagé cette année. Et du coup, j'ai vécu dans différents appartements et finalement maintenant dans mon appartement. Et dans ces différents appartements ainsi que mon appartement, il n'y a pas de machine à laver. Et du coup, je vais dans ces lavomats qui est en fait un peu toujours un peu cette expérience de film, tu vois. Ouais, j'ai vraiment l'impression de me retrouver au cœur d'une comédie new-yorkaise. Alors, comment était ta transition de 2017 à 2018 ? Sans beaucoup de répit, plein de projets qui sont enchaînés, donc un gros rhume, je m'en excuse par avance. Je ne sais pas si on entend sur ta voix, si je pense qu'on entend un peu. Moi aussi, ça va. La transition, je trouve toujours assez excitant de passer sur une nouvelle année. Toujours pas mal cette idée de renouvellement, de nouvelles perspectives. Mais j'avoue qu'aussi, en ce tout début d'année, j'ai quand même ressenti une certaine fatigue, qu'on pourrait peut-être appeler une fatigue féministe. Donc, en fait, une certaine fatigue que je lis au fait d'être dans un climat de discussion publique qui se fait, en tout cas en ce moment, je trouve, principalement à travers des dénonciations et non des propositions d'action. Et je pense que c'est aussi dû en fait au climat médiatique qui me semble de plus en plus avide à relayer des discours qui pourraient faire polémique, à dépeindre comme ça différentes postures politiques comme complètement inconciliables, au lieu de montrer en fait des gens qui proposent des choses ou des actions qui sont dans des démarches entre guillemets positives. Face auxquelles on pourrait se dire « Ah, moi, je suis d'accord avec ça, ça, je veux bien essayer » ou « Je veux bien essayer de prendre ça en compte dans mes réflexions, dans mes objectifs. » Et je sais bien qu'il est nécessaire de dénoncer les discriminations, de réagir, de passer par des périodes et des étapes de dénonciation dans l'action militante et dans l'action féministe. Et notamment ces derniers temps, par exemple, en réaction à cette tribune qu'il y a eu dans le journal Le Monde, on n'a pas besoin d'en parler plus. Je pense qu'elles ont déjà eu assez de, entre guillemets, pub ou pas, mais on en a déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Mais... Précisons quand même que toute une série de femmes qui revendiquent un droit à être importunées par les hommes comme étant à la base de rapports sexuels intéressants. Oui, et... Bon, on peut mettre en lien, il y a plusieurs personnes qui ont réagi très justement à leurs propos, enfin cette signature-là. Mais voilà, je trouve que c'est quand même dur. Donc, il y a des moments où c'est nécessaire de réagir, mais je trouve que c'est aussi très dur d'être à la fois dans une posture comme ça, où on ne fait que dénoncer, critiquer, réagir, et aussi d'entendre constamment ce type de discours autour de soi. Et du coup, tu es là, il y a ce truc, oui, c'est la misère, oui, on est à des milliers de lieues du but. J'ai compris, je suis d'accord, mais maintenant, on fait quoi? Et je pense que c'est aussi lié, si je prends ça sur un plan plus personnel, je pense que c'est aussi lié à quelque chose chez moi où j'ai maintenant une soif comme ça de créativité. De faire des choses, de réfléchir, d'avoir du temps, d'avoir de l'espace pour moi, pour développer des pratiques créatives et réflexives. Mais voilà, je manque aussi du temps, car comme toi, je suis aussi sur beaucoup de projets, j'ai mon boulot à côté, enfin bref. Mais ça, je pense que c'est quand même une attention particulière à porter au fait de la perte d'énergie à être dans une attitude ou une posture réactive. Et que finalement, toutes ces entreprises-là visent aussi à utiliser notre énergie et à la détourner de cette force subversive que ces militants se comportent. Ouais, Ouais, ouais, c'est ça. Et justement, d'ailleurs, Amandine Gay, qui est donc une réalisatrice, a publié un post hier sur sa page Facebook en réaction justement à cette tribune dans le journal Le Monde. Et dans ce post, elle témoigne aussi de ça, dont je viens de parler. Et elle dit, je la cite, « Je viens donc de rompre ma résolution, moins de réactions, plus de création. Mais même si je choisis à quoi répondre, le festival de la connerie étant en perpétuel renouvellement et intensification, il y a quand même des fois où réagir n'est pas une option. » Et pour souligner en fait cette nécessité d'agir et de réagir parfois, elle cite Audrey Lorde quand elle dit « Notre silence ne nous protégera pas ». Et elle termine son post avec cette phrase « Je retourne écrire pour moi, 3 jours sur les réseaux sociaux m'ont épuisé ». Et voilà, je pense que cette phrase en fait résume assez bien ce que je ressens en ce moment. Donc une nécessité de créer pour soi, et le besoin de s'éloigner un moment des réseaux sociaux et de l'ambiance qu'on y trouve. Et aussi, si je continue un peu cette réflexion, maintenant que les féminismes prennent de l'ampleur dans l'espace et le débat public, même si on peut discuter de quels féministes et quels propos occupent plus ou moins de place, et ben je pense que maintenant, il y a eu ce moment d'engouement public, et maintenant, j'ai hâte qu'on passe d'un discours qui semble encore et toujours niché, à une incorporation de la perspective de genre dans tous les domaines, à tous les niveaux. Parce que je trouve qu'on est maintenant, bon, je parle vraiment d'une expérience personnelle, mais je trouve qu'on est maintenant dans un entre-deux. Par exemple, si je parle de culture et de savoir, j'ai l'impression que soit je peux aller dans des événements qui se réclament comme féministes, et pourtant, souvent, je finis par être déçue pour différentes raisons, peut-être juste parce que j'ai trop d'attentes. Mais d'un autre côté aussi, je peux aussi aller dans des events ou des expos qui traitent de thématiques qui m'intéressent sans que soit annoncée une quelconque perspective de genre. Mais alors là, souvent, je me retrouve obligée d'appliquer ce double filtre bien connu par les féministes où tu prends ce qui est intéressant, mais tu dois en même temps aussi faire tout le travail d'éplucher ce qui est intéressant de tout le sexisme qui l'entoure. Donc ça, c'est aussi très fatigant. Non, mais tu vois, je me dis que j'aimerais bien pouvoir aller, je sais pas, enfin, je sais que c'est utopique, mais genre à une conférence, ou même pas une conférence, en fait, juste en fait mater une vidéo de vulgarisation scientifique sur Internet sans forcément me trouver à soupirer parce qu'il y a 1000 rapports de genre reproduits à la seconde. Bon, c'est une discussion à laquelle je pense que nous pourrions consacrer de toute façon un épisode entier et en fournissant des exemples pour créer une réflexion plus nourrie, plus développée. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, parce qu'on a des tas d'autres choses à discuter. Mais voilà, ça me trottait dans la tête. Et aussi, je comprends que ma posture puisse paraître ambiguë. Donc, je tiens à préciser que je ne dis pas que le mot féminisme ou le mot genre soit un mot sale ou négatif. Bien au contraire, mais pour moi, l'objectif de la lutte féministe, elle se déploie comme ça dans tous les domaines. Et la perspective de genre, je la vois vraiment comme un moteur fondamental de transformation et de création de savoir, et pas juste comme un petit sujet niche. Mais bon, depuis quelques jours quand même, ça va mieux et je commence à voir la lumière à travers les nuages, aussi grâce au fait que nous allions enregistrer ce podcast. Donc ça continue à me réjouir à chaque fois. Et ça, je voulais juste te dire ça, Alessandra, ça c'était super. Hier soir, j'ai réécouté une partie du podcast que nous avions publié il y a vraiment pile une année, où on a parler notamment de polar et d'écrivaine. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur de nous entendre de savoir qu'on continue encore ce projet aujourd'hui. C'est génial. Et je suis tout sourire. Dans le dernier podcast, on avait promis plein de projets excitants pour l'année 2018 et on commence déjà maintenant. Parce que nous allons participer au festival Black Movie. Donc le Black Movie est un festival de films à Genève. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit du premier festival de films dans l'année. Enfin, c'est le festival qui introduit l'année de festival, si je me fais comprendre, je ne sais pas si c'était clair. Il y a tout le reste qui va s'enchaîner, anti-gel, tout ça, toute la culture va remettre en mouvement, mais Black Movie ouvre le bal. Donc, Black Movie, Festival international de films indépendants de Genève, un festival qui est dédié au cinéma d'auteur mondial de très grande qualité. Les films programmés reflètent l'inventivité, l'excellence et la diversité des cinématographies du monde. C'est un festival qui sort des sentiers battus et qui fait tout un travail pour repérer des perles et des talents en émergence. Il propose donc une programmation novatrice et engagée pendant 10 jours. Et cette année, le festival est à sa 19e édition et aura lieu du 19 janvier au 28 janvier. Et alors peut-être préciser la teneur de notre participation. T'allais y venir, je te repasse le micro alors. Oui, non, et je voulais pas seulement dire notre participation, mais je voulais dire que notre podcast Crépidule a déjà un peu d'histoire avec le Black Movie, puisque nous avions participé l'année passée à leur web radio, donc qui est un projet radiophonique éphémère qui prend place sur toute la durée du festival avec des amateurs de radio. Et d'ailleurs, il est reproduit cette année. Donc, nous en avions d'ailleurs discuté en fait de cette expérience dans un épisode de Crépidule. C'était l'épisode 10. Intitulé Obscurité. Et d'ailleurs, si les podcasts de la radio du Black Movie, faudra qu'on regarde, mais s'ils sont toujours en ligne, on pourra vous les mettre sur le post-pod qui accompagne notre podcast aujourd'hui. Et moi, j'avais notamment fait un micro-trottoir de blagues dans une des soirées du festival dont je suis particulièrement fière. Mais donc, pour ce 19e édition, donc cette année, nous avons été invités à enregistrer un podcast live dans le cadre du festival. Donc c'est génial parce qu'il y a quelques mois, nous avions enregistré un pod live devant public au Centre de la photographie à Genève. Et c'était une super expérience. Et je me réjouis vraiment de le faire à nouveau, en plus dans le cadre de ce festival que j'aime beaucoup. Et nous allons discuter avec deux invités du Black Movie, Beth Webb, qui est une programmatrice d'un festival féministe londonien, et qui est membre du jury de cette année. Et on vient de nous confirmer sa présence avec la réalisatrice Sophia Jama, qui présente son film Les Bienheureux. Donc vous pouvez venir en fait, nous écouter et discuter avec nous. Ce sera le dimanche 21 janvier, donc dimanche qui vient, quoi. Et on a dit quoi, à 16h ? Ouais, c'est ça, à 16h. Dans la salle qui se trouve à côté du cinéma Spoutnik, à l'usine, à Genève. Donc c'est vraiment en fait, au même étage que le ciné et l'entrée est libre. Cette année, il y a 121 films en provenance de 30 pays. Et le programme est organisé comme ça en sections thématiques. Et il y a d'ailleurs, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début du podcast, cet engouement pour le féminisme et le genre. Cette année, il y a plusieurs sections qui abordent justement des thématiques queer ou féministes. Oui, et aussi, je trouvais drôle le thème de la vengeance qui va être articulé dans différents films, la question de la filiation et aussi quelque chose que je trouve très intéressant et je me réjouis d'aller voir, c'est sur la pénibilité au travail qui est aussi un thème très fort en ce moment. Et aussi dire qu'il y a à la fois effectivement une volonté de se placer dans un certain trend, évidemment par le festival, mais aussi il nous a été partagé le fait que ces thématiques-là émergent de ce que les directrices vont pêcher comme film dans le monde entier. Oui, c'est ça, ça reflète aussi une réalité. Mais donc, en raison de cette invitation, grâce à cette invitation, nous avons eu l'occasion de voir déjà une sélection de films du festival dont on va discuter maintenant. Bon, on fera attention de ne pas spoiler les films. Ça va être tout un art. Alors, c'est une section qui s'appelle Les Résistantes. Et je voulais commencer par discuter avec toi de ce terme, Les Résistantes, parce que moi, je l'ai même entendu quand j'ai commencé à regarder les films comme les combattantes. C'est dire comme je projette. Puis du coup, je commence à regarder les films. Puis vraiment, je me sentais un peu mal à l'aise. J'étais là, mais où se trouve le combat dans ce que je vois passer sous mes yeux? Parce que en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette différence entre combattre et résister. Une fois que j'ai mieux fait mes devoirs et que j'ai vu que c'était bien le terme de résistante qui était utilisé. Et c'est vrai qu'il y a un peu des nuances. La résistance, ça peut se placer dans des endroits plus subtils, voire ne pas réagir, peut-être une forme de résistance. Et le fait même de filmer, en fait, est aussi peut-être considéré comme un acte de résistance. Mais moi, en fait, j'ai vu, sauf un, je crois, mais tous les films de cette sélection, et j'aurais plutôt envie d'appeler cette sélection les composantes. Parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup encore le stade d'expliciter, de mettre au jour tout ce dont les femmes doivent développer, tout ce que les femmes doivent développer comme stratégie face au mariage forcé, aux normes de genre, aux accusations de sorcellerie, on y reviendra. Donc c'est voilà, tout ce qui compose l'identité sociale femme dans différents pays du monde. Oui, alors moi, j'avoue que je n'ai pas fait mon devoir aussi bien que toi et je n'ai pas réussi, même si j'ai essayé, je n'ai pas réussi à voir tous les films. C'était juste sur mon schéma, ce n'était pas possible malheureusement. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des films dont tu as envie de discuter en particulier sur ce que toi tu as vu ? Alors il y avait une dimension, justement, je l'ai évoqué avant, je pense qu'on on va discuter un peu de certains films et puis je pense que c'est bien après de terminer par nos coups de cœur pour vraiment fonctionner comme une invitation à aller voir ces films en particulier. Alors donc Accusation de sorcellerie, c'est un thème qui est traité dans deux films. Le premier s'appelle Maman colonel et il se situe au Congo. Et le deuxième, I'm not a witch, je ne suis pas une sorcière. Il se passe en Zambie, non ? C'est possible. En tout cas, la réalisatrice vient de Zambie. Oui, tout à fait, ça se déroule en Zambie. Et le premier, Maman colonel, en fait, parle d'un personnage public qui est en fait une policière qui est investie particulièrement par la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et on va la suivre en fait dans son déménagement finalement parce qu'elle travaille depuis 15 ans en ville et elle est envoyée en campagne. Et on va suivre avec elle en fait la découverte de cette différence de culture entre la ville et la campagne. Et à un moment donné, elle est confrontée à des jeunes enfants qui sont en quelque sorte emprisonnés parce que accusés de sorcellerie et qui donc sont enfermés dans une maison pour être purgés par la foi à la fois chrétienne catholique. Et ce qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai trouvé un peu dérangeant, c'est que cette maman colonelle, elle s'appelle maman non pas qu'elle ait une posture maternante sur ces questions, mais en fait j'ai cru comprendre que les femmes s'appellent entre elles maman. On la suit comme ça, c'est il n'y a pas de mise à l'écart ou en perspective de ce qu'elle elle ressent, et elle est assez effarée en fait face à cette situation. Et ça m'a un petit peu dérangée parce que ces accusations de sorcellerie qui ont lieu dans plein de pays dans le monde actuellement et notamment sur le continent africain, en fait, sont situées dans un système néo-capitaliste dans le sens que quand on étudie ces accusations de sorcellerie et qu'on regarde qui est particulièrement accusé de ça, on voit qu'il s'agit de gens qui soient de femmes, pour la plupart du temps, de femmes qui sont pauvres, de femmes qui sont à charge d'une communauté, ou alors au contraire des femmes qui ont extrêmement bien réussi et qui deviennent menaçantes dans le sens qu'elles transgressent des normes de genre. Mais dans une démarche historique de ces accusations, on voit qu'elles se sont développées en même temps qu'une organisation, une exploitation capitaliste de ces pays sont faits, entraînant une extrême situation de misère. Mais ce que tu dis, c'est que ça, c'est pas forcément expliqué dans le film. Ce n'est pas du tout expliqué dans le film et ça donne l'impression, ce qui moi m'a dérangée, c'est que ça peut participer à une construction de nouveau nous-eux. C'est-à-dire nous, on n'est plus là-dedans, on a dépassé ça et eux, dans un sens, une culture barbare qui pratiquerait encore ça. Et ces chasses aux sorcières, en fait, ont été particulièrement étudiées par Silvia Federici, qui a écrit ce livre, on en avait déjà parlé, Caliban ou La sorcière, il faudra que je recherche le titre exact. Et elle parle justement de cette situation dans ces pays, que ce soit en Inde, en Amérique latine ou en Afrique, qui s'est aggravée avec l'imposition du programme néolibéral. Et elle décrit explicitement le fait que ces accusations sont concomitantes de la mise en place de la politique d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, ce qui a entraîné une paupérisation de la population sans précédent. Donc ça, je trouve toujours un peu gênant de ne pas pouvoir contextualiser mieux et de ne pas être pris par le propre effarement de cette maman colonelle, même si c'est sûr, c'est d'une grande violence. Et en miroir, il y a ce film I'm Not a Witch, qui lui, tu l'as vu celui-là ? Alors, je n'ai pas envie de gâcher l'envie des auditeurs et auditrices directes. J'ai vu à peu près la moitié et j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a vraiment ennuyée. En fait, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup trop lent. Peut-être que je n'étais pas dans le mood, hein, mais je ne sais pas. Oui, alors je sais que nous n'avons pas le même degré de patience et de rapport à la lenteur. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Il est construit comme un conte. Il y a une dimension onirique comme ça, dans, par exemple, ces sorcières qui sont mises dans un camp de travail et qui sont toutes rattachées à un camion par une grosse bobine en bois d'un fil qui les tient, elles, dans le dos et qui est rattachée à ce camion. Oui, il y a quelque chose un peu, pardon la référence, mais il y a quelque chose d'un peu Mad Max comme ça. Au niveau des rubans, ça évoque Mad Max ? Oui, puis que c'est le camion, les rubans, un truc qui, tu vois, finalement ça marche pas, tu vois, elles peuvent pas être attachées, elles seraient tout le temps emmêlées, mais tu vois, quelque part ça, dans le film ça fonctionne, quoi, c'est assez... Ouais, parce que franchement la photo elle est magnifique avec ces rubans qui flottent au vent, et puis c'est l'idée qu'elle pourrait s'en détacher. C'est un ruban qui peut être arraché facilement, mais ça évoque en fait tout ce lien symbolique en montrant que ces femmes, finalement, qui ont été rejetées dans leur communauté, retrouvent dans ce camp un sentiment d'appartenance. Elles font solidarité, elles font communauté entre elles. Et ce film, même s'il est sur le mode du conte, montre vraiment bien à quel point ces camps de sorcières, qui sont tout à fait réels, sont insérés dans un système politique et économique. Donc ces femmes travaillent durement, ne sont pas payées. Il y a quelqu'un qui se fait de l'argent sur leur dos, qui va aussi utiliser toute cette puissance culturelle de la sorcellerie pour prendre cette héroïne qui est une petite fille donc accusée d'être une sorcière dans des sortes de pseudo-procès, dans des villages. Enfin, on voit la manière dont cet homme retire du pouvoir économique et social par cette structure de camp de sorcières. Donc voilà, même si ça paraît c'est moins réaliste que le film Maman Colonel, il amène déjà un regard un peu plus complexe sur cette thématique. Et puis aussi, dans cette envie de contextualiser, cette maman colonelle est montrée comme une héroïne, qu'elle est en quelque sorte, parce que c'est sûr qu'elle est confrontée à des choses très difficiles. Mais là aussi, on pourrait un peu contextualiser que ces questions de genre sont infiniment instrumentalisées dans ce qui est, par exemple, des injonctions du FMI, qui, parallèlement aussi, il y a cette CIDO ou CEDEF, qui est le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans le monde, où chaque pays, tous les 5 ans, je crois, doit fournir un rapport sur l'état des lieux du traitement des femmes sur son sol. Et puis, c'est des rapports qui sont produits par différentes entités dans le pays. Et là, il y a des recommandations qui sont faites au pays à la suite de ces examens. Et voilà, les pays sur le continent africain doivent vraiment s'y tenir de manière très, très forte pour pouvoir continuer à recevoir des fonds par ailleurs du FMI. Donc il y a aussi cette structure qui pousse ces pays-là à mettre en place des actions très précises sur ces questions. Donc c'est pas, cette maman colonelle ne sort pas du néant, mais elle s'inscrit aussi dans ce contexte politique-là. Et on voit aussi quelque part le décalage entre une volonté politique de régler ces questions et comme elle est démunie, parce qu'elle est à peu près seule à devoir s'occuper de centaines de situations et quasi sans moyens. Bon, moi, Alessandra, j'ai que envie de parler d'un film. Est-ce que tu sais lequel c'est ? Le jour se lèvera ? Oui, c'est juste. C'est ce film-là que j'ai envie de parler. Donc, je ne sais pas si tu veux... Parce que le temps file et la machine est bientôt finie, Alessandra. Je ne sais pas, est-ce qu'on se lance dans ce film-là ? Donc, Le jour se lèvera est un film de la réalisatrice Jessica Genéus. Donc c'est une sorte de documentaire ou plutôt de recueil de témoignages, ou même peut-être qu'on pourrait plutôt appeler ça un témoignage. Moi, j'ai ressenti une dimension entre le journal intime dans le sens d'une exploration intime de son vécu, de ses expériences personnelles, et à la fois le thème de l'enquête. Oui, tout à fait. Donc la réalisatrice explique comme ça d'entrée de jeu dans le film qu'elle a une famille avec une histoire de maladie psychique, de crise comme ça, de folie. Et sa mère notamment est tombée malade lorsque la réalisatrice, donc Jenéus, avait 14 ans, de manière subite et très violente. Et Jenéus, en fait, au moment où elle commence ce projet de film, enfin, elle le commence parce qu'elle va elle-même devenir mère à son tour, ce qui la pousse, en fait, à confronter son passé, à retourner, où on ne comprend pas très bien si elle retourne en Haïti ou si elle est déjà sur place, mais en tout cas, à retourner vers son passé, en fait, à partir à la recherche des causes, en fait, de cette folie, de cette maladie psychique. Et aussi pour comprendre son étendue, non seulement dans sa famille, mais dans la société haïtienne plus largement. Elle va articuler en fait ces maladies psychiques avec les vagues de colonisation, notamment religieuse, qu'Haïti a subies, parce qu'il y a eu deux moments historiques très forts où la religion haïtienne vaudou a été combattue d'abord par l'Église catholique et en ce moment par l'Église protestante. Et il y a eu toutes sortes de stratégies pour continuer à maintenir vivantes ces croyances de la part de la population et de la part des prêtres vaudous, qui étaient en fait de jouer le jeu, de s'insérer dans les lieux revendiqués comme catholiques ou protestants, et puis de glisser en fait leurs croyances, d'entremêler ces deux postures. Et ça a amené une sorte de schizophrénie puissante chez les individus, non ? Oui, il y a de ça, mais j'ai aussi l'impression que vraiment elle met en avant le lien entre maladie psychique et l'histoire du colonialisme en Haïti, et justement où le catholicisme a été imposé par les colons comme ça pour légitimer une supériorité des Blancs. Et voilà, c'est aussi une religion qui loue la peau claire. Et on le voit, voilà, le film dans les églises, on voit ces saints et ces saintes à la peau blanche, enfin, c'est des sculptures, des représentations. Donc c'est vraiment comme ça une religion qui, finalement, qui divise. Oui, puis non seulement valorise la blanchité, mais il y a toutes sortes de personnages, de gens qui témoignent de discours qui seraient présents dans ces textes-là, qui sont hyper agressifs et nauséabonds quant aux populations noires. Oui, tout à fait. Et j'ai plus l'impression que vu qu'il y a la présence de cette religion qui est en fait un discours extrêmement violent, pour Jenéus, il y a une source de la maladie psychique qui vient de ça, en fait, de cette violence du discours. Et puis après, en fait, dans les années 50, enfin 1950, il y a des évangélistes américains, américaines qui sont arrivés plus ou moins en masse en Haïti pour convertir la population. Donc aussi, les églises évangélistes protestantes ont pris beaucoup, ont pris un certain ampleur depuis les années 50. Mais justement, moi, c'est un peu une de mes critiques du film, c'est que c'est pas assez contextualisé. C'est pas vraiment une critique, mais c'est ce qui, moi, m'a manqué en regardant le film. Enfin, il y a des scènes qui sont tournées dans des églises, lors de messes, mais on comprend pas, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de... Donc j'ai l'impression que le film, il ne se veut pas vraiment comme un documentaire qui apporte des informations, mais vraiment plus comme un sorte d'instantané ou de vécu, de flou comme ça, qui part vraiment de l'expérience personnelle de la réalisatrice. Oui, évidemment, ça pose plein de questions plus que ça n'amène de réponses. Et dans les questions aux prises de conscience que ça amène, je trouve que cette histoire des croyances spirituelles sont une image de l'identité. Quelle stratégie on peut développer pour faire face à une colonisation de son identité profonde, avec un peuple qui a à la fois connu l'esclavage, la colonisation, et qui a aussi connu de manière très précoce l'indépendance. et aussi ces agressions religieuses sont aussi des volontés de vraiment mettre à mal ce qui fait le noyau d'une collectivité pour lui enlever toute puissance de réaction. Après, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a beaucoup captivé avec ce film, c'est justement cette crainte exprimée par la réalisatrice de porter la maladie en soi, cette peur de devenir tarée, en fait, de devenir folle. Et c'est vrai que la maladie mentale, en fait, c'est pas comme les maladies physiques. Elle se manifeste différemment, elle se manifeste de manière... Enfin, il y a plein de nuances. Et puis, il y a cette dimension, et d'où aussi, je pense, ce lien, quand les gens vont chercher un sens à la maladie psychique dans les religions, elle a une dimension vraiment de possession, de prendre possession des corps, des esprits, voilà, d'être possédé par la maladie, de se faire manger par la maladie, quelque chose qui infiltre chaque pore, qui infiltre les espaces. Il y a notamment un homme qui dit qu'il n'a pas peur des esprits, il n'a pas peur de la maladie, mais quand même il ferme les fenêtres de sa voiture le soir. Et je trouve qu'il y a de ça, je peux tout à fait comprendre ça, comment est-ce qu'on protège certains espaces de la folie, de la dépression, de... Oui, puis elle fait une démarche tellement sensée dans ce sens, cette réalisatrice, parce que le meilleur moyen de se prévenir de cette angoisse d'une dimension génétique, donc intime et transmission familiale, c'est de justement contextualiser les dimensions politiques dans lesquelles la génération du dessus, sa mère, parce qu'elle a aussi eu un oncle et une tante qui ont eu des problèmes psychiques, dans quoi ils étaient. Donc pour elle, c'est aussi une manière de se distancier de cette époque-là. Oui, tout à fait. Et elle parle aussi de cette impuissance des proches face à la maladie psychique. Ben, je reviens un peu à ce que j'ai dit avant, mais cette crainte vraiment que ce soit dans la famille et un discours aussi chrétien, que ce soit quelque chose qui soit provoqué parce qu'on a, entre guillemets, fait faux ou on a, entre guillemets, fait le mal. Et aussi qu'on ne peut pas se libérer d'un passé. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement sain comme ça, d'aller voir dans son passé qu'est-ce qui s'est passé. Et toi, tu as déjà aussi discuté de ça, même si ce n'était pas forcément lié à cette dimension de santé mentale, mais l'importance des racines, que ce soit familiale ou d'autres héritages. Oui, et par cette démarche, à travers ce film, on comprend que c'est aussi tout un sens de se réapproprier une histoire, un autre récit, et donc oui, de s'enraciner de manière constructive. D'ailleurs, il y a une table ronde qui va être organisée autour de ce film qui s'appelle Religion, cause ou remède aux maladies psychiques. Et voilà, j'étais juste un peu étonnée qu'il n'y ait justement pas, on en avait parlé dans le dernier podcast, des intervenants en... J'ai un blanc, ça va revenir. En ethnopsychiatrie, parce que c'est justement une approche qui permet de composer entre les différentes identités culturelles de chaque personne. Et voilà, et là, il y a une association qui s'appelle notamment Appartenance, qui œuvre sur ces questions-là. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui la représente dans la table ronde. Mais bon, la réalisatrice sera là, avec des responsables de différents secteurs de santé mentale et de psychiatrique des hôpitaux universitaires de Genève. Donc ça, ça va être très intéressant. Ouais, la table ronde, d'ailleurs, sera le samedi 27 janvier à 18h au Grütli. Mais donc pour revenir au film de Jenéus, en français il y a cette expression qui dit qu'on sombre dans la folie, et je trouve aussi que son film il montre ça, en fait une société où les individus sombrent dans la folie, une société qui sombre quelque part, et elle interroge aussi la prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiques en Haïti, et en fait il n'y a pas de prise en charge médicale, ou presque pas. Donc j'ai lu un article du journal haïtien Le Nouvelliste du 29 novembre 2017, et où ils font état en fait de seulement 15 psychiatres pour une population estimée à plus de 10 millions d'habitants et seulement deux institutions qui prennent en charge les personnes atteintes de maladies psychiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont, et là on revient encore aux institutions religieuses, ce sont en fait les églises protestantes et catholiques qui prennent en charge, enfin, entre guillemets, hein, ces personnes. Et justement, il y a eu plusieurs dénonciations de viols, de sévices corporels sur des personnes entre guillemets diagnostiquées par l'Église comme malades. Parce que du coup, elles, comme on a dit avant, elles sont aussi considérées comme malades dans une perspective chrétienne de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et, mais je parlais de cette idée de sombrer, une société où les individus sombrent dans la folie. Et dans son film, elle montre aussi vraiment la visibilité des personnes atteintes de maladies psychiques. Et si on pense par exemple dans la société occidentale contemporaine, alors si peut-être certaines maladies psychiques sont de plus en plus visibilisées aujourd'hui parce qu'on en discute, physiquement visible, je ne sais pas à quel point, tu vois, parce que quand même, il y a une longue histoire en Occident d'enfermement, d'écarter les personnes considérées comme folles de l'espace public. Et en fait, dans le film, on voit qu'en Haïti, y a, ces gens-là sont dans la rue parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Et je me demande, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas en charge ces personnes malades, quand on les laisse dans la rue, quand on les abandonne, enfin quand elles sont, c'est pas qu'on les abandonne elles-mêmes, mais quand elles sont abandonnées à elles-mêmes, et qu'est-ce que ça fait à une population de voir quotidiennement des personnes malades, des personnes atteintes dans leur santé mentale, abandonnées à elles-mêmes dans l'espace public. Donc voilà, il n'y a pas de réponse à ça, mais je trouve que c'est aussi des questions... que le film soulève. Et en fait, d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches autour de ce sujet. Et par exemple, World Health Organization, donc l'OMS, c'est ça, a publié en 2010, suite au séisme, un rapport sur justement l'état de la santé mentale en Haïti. Donc c'est quand même il y a 8 ans. Et il tirait déjà là la sonnette d'alarme. En disant notamment que, voilà, en Haïti, il y avait à ce moment aussi un environnement qui favorise le développement de maladies mentales, donc notamment un stress chronique en raison de la faible accessibilité aux besoins de base des individus, et puis des moments de stress beaucoup plus aigus provoqués par les catastrophes naturelles, et puis ajouter à ça donc des histoires, une histoire extrêmement violente. Et voilà, pour peut-être terminer sur une touche un peu plus positive, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est extrêmement touchant de voir la relation entre la réalisatrice et sa mère. Vraiment des moments comme ça de tendresse, de discussion, de rire et aussi de soins. J'ai trouvé vraiment très, très touchant. Oui, puis je me souviens plus très bien, mais ça se termine sur un peu une posture philosophique. Spoil pas. Non, c'est pas spoiler, mais c'est de comment on peut faire face à l'adversité et avoir un certain dégagement. Hein, il me semble que c'est dans ce sens-là. Après, moi, je dois aussi dire dans ces films comme ça qui sont un peu documentaires, je trouve toujours aussi très ambigu le rôle de la caméra, parce que donc la caméra n'est pas invisible, en fait, dans ces lieux. Et puis, à quel point est-ce que les choses sont jouées ou pas ? À quel point est-ce que... Bon, il faudra demander à la réalisatrice. Elle sera là pendant le festival, donc y a possibilité. Mais voilà, à quel point est-ce que... Quels discours sont... Parce qu'il y a toujours un montage. Quels discours sont gardés, lesquels ne le sont pas quelles images est-ce qu'on sélectionne ? Tu vois, qu'est-ce que les gens ont envie de dire face à une caméra et qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de dire face à une caméra ? Enfin, moi, ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir à ça. Mais là, pour le film de Jessica Genus, ça m'a pas dérangée parce qu'elle pose son parti pris. Voilà, moi je suis dans cette recherche, je vais. Je trouve que là, voilà, c'est assumé, c'est. On sait quelle a été sa ligne de réalisation. Il y a d'autres films, par exemple, il y a un film qui s'appelle L'eau sacrée, où ça m'a plus dérangée, parce que ça se passe, donc, je l'évoquais avant, mais au Rwanda. Et alors, autant si c'est très riche d'aller se balader au Rwanda, c'est filmé par un homme blanc, et ça traite de l'éjaculation féminine sexuelle. Et là, vraiment, il y a cette question d'une parole masculine en face de cette caméra-là, qui est très libérée, très même comme ça, pleine de fierté et de gloriole. Et puis la parole féminine, en fait, elle est plus difficile à capter. Les choses sont dites de manière plus sous-entendue. Et ça, vraiment, c'est lié à qui est-ce qui est derrière la machine. Mais vraiment, vous encouragez, si vous avez les moyens financiers, à vous acheter un pass pour aller voir le plus de films possible. Je tiens à dire qu'on n'est pas sponsorisé par le Black Movie. Non, mais ça vient vraiment d'un ressenti personnel où tu regardes un film, ça te fait une sensation. Puis en fait, j'ai vraiment, par ce kaléidoscope de cette dizaine de films que j'ai vus ces derniers jours, quelque chose de très riche qui danse en moi. Et aussi, notamment, ça paraît simple, mais l'écouter des langues autres. Et par exemple, il y a un peu un feel-good movie qui s'appelle Through the Wall, qui est israélien. Et j'ai découvert l'hébreu, la musicalité de l'hébreu. C'est une langue absolument merveilleuse. Il y a aussi un documentaire qui se passe au Rwanda, qui amène aussi une autre image de ce que les médias nous ont transmis, même pauvrement, mais de ces massacres qui ont été perpétués là-bas. Donc voilà, ça vient bouleverser en fait les stéréotypes qu'on a en restant tranquillement chez soi ou en n'ayant pas l'occasion de voyager, que ces films nous proposent de transformer. Et dans cette invitation à prendre le pass aussi, si c'est possible, ou aller voir le plus de productions, aussi une invitation à ne pas trop faire ses choix suivant ces catégories, ces sélections telles qu'elles sont nommées. Parce que comme d'habitude, il y a toujours un peu cette gêne quand on cherche à catégoriser ici des films et à les regrouper sous un même nom, comme par exemple Les Résistantes. C'est que ça crée des attentes qui peuvent nous amener sur un chemin qui peut être décevant. Et en fait, moi, j'aurais eu plus de plaisir à voir tous ces films sans qu'on me dise quelle était la ligne éditoriale dans laquelle ils avaient été organisés, parce que du coup ça m'a ouvert de fait, mais ça ouvre d'autres réflexions. Et puis finalement, c'est peut-être par soi-même qu'on se dit, ah ben là en fait il y a cette situation et je ressens que ces protagonistes là mettent quelque chose qui est de l'ordre de la résistance ou du combat ou peu importe. Mais voilà, toujours un petit peu cette gêne face à la volonté qu'on a de vouloir mettre les choses dans des boîtes avec des étiquettes bien précises. Bon, la machine, Alessandra, avec mes habits, est terminée. Mais retrouvez-nous donc au Festival du Black Movie à Genève le dimanche 21 janvier à 16h au Spoutnik. Enfin, dans la salle à côté du Spoutnik, pour préciser, il y aura un bar qui s'appellera, je crois, le Xanadu. Ou le Xanax. Non, je crois que c'est le Xanadu, mais tu peux l'appeler le Xanax si tu veux. Et on sera avec Beth Webb et Sophia Jama. On se réjouit de vous y voir. Et pour plus d'infos, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et Twitter ou vous abonner à notre newsletter en nous envoyant votre mail par le formulaire de contact qui se trouve sur notre site crépidule@.com. Encore quelque chose à dire, Alessandra ? Je regarde toutes les notes que j'avais encore, mais non, allez, il faut mettre ton linge dans le séchoir maintenant. Allez, bonne suite, bah, à tout de suite en fait presque. Hein. J'utilise pas le séchoir. Je fais de l'étendage. Quoi ? On va devoir aller étendre tes culottes chez toi maintenant ? Ouais, pendant qu'on fait le montage. Bon, on arrête. Bah, à tout bientôt. On se quitte plus là. Allez, tchuss ! Tchuss ! Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule@.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter aussi sur iTunes.